Juste devant la caméra. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Patrick Auger. Je suis un des membres à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan. Et ça fait quelques fois que je viens apporter la parole ici. C'est toujours une joie de le faire. Mais j'aimerais commencer avec une mini mise en garde pour ceux qui sont à la maison. Moi aussi, ça m'arrive d'écouter le monsieur en avant de chez nous. Hein, ces temps-ci, là, si on veut respecter les règlements du gouvernement, on est à la maison et on écoute la prédication de la maison. Des fois, on l'écoute directement ce matin en même temps, hein, live. Des fois, on l'écoute dans le courant de la semaine, dans un moment peut-être plus propice ou peu importe. Moi, ce que je vous encourage à faire, là, c'est que moi, j'ai 3 enfants à la maison. Puis quand j'écoute le monsieur parler puis que mes enfants, ils bougent en arrière, bien, j'ai de la misère à me concentrer. Peut-être que vous avez un chien aussi qui se promène dans la maison, puis là, vous perdez un peu la concentration. Peut-être que vous avez des enfants qui courent après le chien. Vous voyez où est-ce que je veux en venir, hein? C'est difficile de se concentrer quand on est à la maison. Peut-être que vous avez oublié en ce moment un lavage, puis là, vous dites, « Ah non, Patrick vient de me rappeler que j'ai un lavage. » Peut-être attendre. Moi, je vous encourage. Écoutez, une prédication, c'est jamais parfait. Mais la parole de Dieu, c'est toujours parfait. Elle est toujours présente pour transformer notre cœur lorsqu'on s'arrête et qu'on se donne un temps pour la méditer, la chérir, l'adorer. Et donc, ce matin, prenez les prochaines minutes, juste prenez un break. Peut-être dire aux enfants, s'ils sont trop jeunes pour suivre, d'aller jouer dans le sous-sol ou je ne sais pas comment vous pouvez arranger ça, mais arrêtez-vous et faites juste écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin. Cette semaine, encore une fois, hein, le Seigneur m'a touché profondément dans ce message-là. Jusqu'à hier soir, il est arrivé des affaires, puis j'ai fait « aïe, aïe, ça a tellement rapport avec ce que Dieu a voulu me montrer cette semaine. » J'ose espérer être capable de vous le rendre le mieux possible. Je suis un serviteur dans les mains du Seigneur, puis en espérant que ça puisse toucher vos cœurs ce matin. Alors, je commence ça avec une petite question. Aimez-vous le gris? Là, je vois que c'est blanc ici, partout. Mais aimez-vous le gris? Il y en a qui c'est non. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime ça. J'aime le gris, par exemple, dans la décoration. Hein, ma femme et moi, on aime l'immobilier, le design d'intérieur, la décoration. On écoute des émissions de décoration et la couleur grise, c'est très tendance, on va se le dire. Dans un autre registre, okay, on sort de la décoration. Moi, dans ma vie, je suis un peu gris. Vous connaissez des gens sûrement, vous êtes peut-être comme ça, hein? Avec moi c'est noir ou c'est blanc, hein? C'est tout ou c'est pas en tout. Moi je ne sais pas si je suis fier de ça ou non, mais avec moi c'est gris. Je suis souvent comme pris entre deux opinions. Un exemple, si quelqu'un ce matin venait me voir et qui me dit « Toi Patrick, que penses-tu de l'eschatologie? » Hein, la fin des temps. J'ai une opinion là-dessus, mais je suis plutôt dans la zone grise. Je ne suis pas tranché au couteau là-dedans. Moi, j'ai pour mon dire que quand ça fait 2000 ans que les théologiens ne réussissent pas à s'entendre sur une opinion précise, pourquoi que Patrick Auger en aurait une plus intelligente? Mais ça, c'est une opinion personnelle, comme je vous dis. Donc, j'aime mieux, évidemment, là, lorsque j'apporte la parole de Dieu, je vais peut-être me concentrer plus vers un domaine, mais je suis assez ouvert à ce niveau-là. Par contre, lorsque c'est le temps de prendre position dans notre vie chrétienne, la zone grise ne doit plus exister. Il ne devrait plus exister de gris lorsqu'on doit prendre position. Et ce matin, si tu es un enfant de Dieu qui désire vivre une vie chrétienne basée sur la parole de Dieu, on a un passage qui va nous aider à prendre position clairement. On va voir différentes choses, des valeurs, des comportements qui sont attachés plus aux choses célestes et d'autres plus aux choses terrestres. Mais vous allez voir que la zone grise de l'espèce de milieu confortable n'existe pas dans la vie chrétienne. Et ce matin, mon rêve pour vous et pour moi, c'est de prendre position pour le Seigneur Jésus. Même si ça va nous attirer peut-être les foudres de la communauté qui nous entoure, même si ce ne sera pas toujours facile, il y a quand même un meilleur monde qui nous attend bientôt au ciel avec le Seigneur. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 14. Et je suis tourné cette semaine dans un psaume, le psaume 51, que vous connaissez peut-être, qui parle de David qui se repent d'un péché qu'il a fait. Hein. Il est allé voir une autre fille, il n'aurait pas dû faire ça. Puis un prophète lui dit, « Écoute, mon cher David, t'as péché. » Et dans le psaume 51, on le voit en train de se repentir, de demander pardon. Et il dit au Seigneur, « Lave-moi pour que je puisse être plus blanc que la neige. » Puis là, je pensais, en m'en venant sur le boulevard des Bois-Francs tantôt, on ne parle pas de cette neige-là, hein, brune, gadoue, là, sur le bord de la route. « Plus blanc que la neige fraîche qui vient de tomber. » David demande d'être plus blanc que ça. Et donc, ma prière pour vous ce matin, c'est qu'on puisse sortir d'ici en visant à être plus blanc que la neige et non pas rester dans la zone grise. Alors, on tourne dans Colossiens 3, les versets 1 à 14. Et là, je ne m'attendais pas à avoir des gens en avant de moi ce matin, quand je me suis préparé cette semaine. Donc, j'aime mieux vous dire, j'ai changé de Bible pour l'occasion et j'ai pris une version Second 21. La raison, c'est que, écoutez, d'habitude, je prends toujours la Louis II que la majorité des églises de notre association utilisent. Mais il y avait tellement des mots que je trouvais qui étaient moins adaptés à 2021, dans le passage d'aujourd'hui, que quand je suis tourné dans la Second 21, j'ai fait, je trouve que c'est plus adapté. Les mots, on les comprend mieux. Maintenant, ne soyez pas surpris, si vous tournez dans votre version à vous, vous faites, hey, c'est pas ça pantoute le mot. C'est sûr que c'est un synonyme, OK? J'ai pas changé les mots. Donc, je vous mets dans le contexte, OK? Parce qu'on n'est pas en train de faire la lettre aux Colossiens complète. Donc, il faut comprendre à la base comment que ça fonctionne. Cette lettre a été écrite par Paul lorsque Paul était en prison. Donc, déjà, ça vous donne une idée, hein? Imaginez Paul en prison, c'est pas confortable, mais il a à cœur les Colossiens. Donc, les chrétiens de Colosse, hein, la ville de Colosse qui est située en Turquie, cette ville-là n'existe plus aujourd'hui. Elle a été détruite par un tremblement de terre pas très longtemps après que Paul ait envoyé une lettre à l'église là-bas. Cette lettre-là se veut une lettre préventive contre les hérésies. Donc, une hérésie, c'est vous avez la foi chrétienne et vous avez une idée qui déroge, qui est à côté de la traque et les chrétiens sont en train d'y croire. Et là, ils sont en train de mélanger la foi chrétienne en Jésus seul et autre chose. Il faut les comprendre, la ville de Colosse, c'est une ville où est-ce qu'il y avait des Juifs et des païens. Donc, les Juifs, bien, eux autres, ils respectent la loi juive. Les païens, ils croient en un paquet de dieux, un paquet de divinités. Donc, quand je dis qu'il faut les comprendre, c'est on vit un peu la même chose quand on arrive dans une église comme celle-ci, tout notre bagage hein, qu'on a été élevé là-dedans, les outils que nos parents nous ont donnés à travers les années, bien, on arrive ici, puis des fois c'est dur de s'en départir. Alors les Colosses, c'est exactement ce qui arrive. Ils rentrent dans l'église, ils veulent croire au Seigneur Jésus seul, mais pour eux, ça ne marche pas, juste ça. Il faut faire quelque chose d'autre pour avoir accès au paradis. Et là, Paul leur écrit une lettre de prévention pour dire, « Wow, wow, wow, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas saisi. » Et vous allez voir cette lettre-là, si vous prenez le temps de la lire. Je l'ai lue cette semaine, en l'espace d'une demi-heure. Il y a 4 chapitres. Puis, on comprend bien mieux quand on lit les 4 chapitres ensemble. Et j'ai vraiment fait, wow, ça c'est une lettre d'amour de Paul. Il ne veut pas que ses frères et ses sœurs se plantent. Puis, il leur écrit une lettre. Puis, il y a des bouts rough, on ne se le cachera pas. Mais ça nous parle encore à nous aujourd'hui, en 2021. Vous savez, la chair... le monde qui est alentour de nous, ça exerce une influence très forte. Je ne pense pas que je vous apprenne quelque chose actuellement. Il le vivait à ce moment-là, il vivait une grande influence venant du monde extérieur, des gens qui côtoyaient, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, oui, la lettre a été écrite il y a plusieurs années, mais elle a encore un impact dans nos vies ce matin. Donc, le but de la lettre, c'est de contrer l'influence des fausses doctrines. Peut-être que ce matin, en tout cas moi cette semaine, j'ai vraiment fait, aïe aïe, pourtant je crois en Jésus seul, mais des fois, là, j'agis tellement à côté de la traque. J'espère que vous allez avoir la même pensée en finissant. Alors, laissez-moi prier pour commencer, puis on attaque le passage par la suite. Seigneur Dieu, je suis vraiment content de voir mes frères et mes sœurs en avant de moi. Je m'attendais à être devant une caméra et j'ai des gens alentour. Mais il y a aussi des gens qui sont à l'autre bout de la caméra, puis on veut te remercier, Seigneur, pour la technologie. Il y a à peine quelques années, on ne pouvait pas faire ça. Et tu nous permets d'exercer notre foi en lieu sûr, de manière sécuritaire, dans un pays très confortable. On pourrait se laisser abattre par toutes les mesures sanitaires qui existent. Et Seigneur, à matin, je veux te dire, il n'y en est pas question qu'on se laisse abattre par ça. On veut te faire confiance. On sait que c'est pour un temps ce qu'on vit. Et c'est aussi pour un temps qu'on est sur cette terre. Pour tous ceux qui sont des enfants qui t'appartiennent, Seigneur, pour tous ceux qui ont remis leur foi dans les mains de ton Fils Jésus, pour tous ceux qui croient que Christ est mort à la croix avec nos péchés et qu'il est ressuscité aujourd'hui, Seigneur, on a un monde qui nous attend, qui est beaucoup plus merveilleux. D'ici là, tu nous places sur cette terre pour être une lumière, pour pouvoir apporter ton évangile aux gens qui en ont besoin. Et dans un contexte de pandémie comme actuellement, on ne se le cachera pas, il y a des gens qui se cherchent. Et on est là, Seigneur, pour pouvoir les guider. Montre-nous les gens qu'on peut amener vers toi. Aide-nous à semer cette semence de ton évangile pour que tu puisses faire croître le fruit dans le cœur des gens. Merci pour ce passage ce matin, puis touche-nous profondément. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on commence avec les versets 1 à 4 du chapitre 3. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Alors, excellent. Donc, on avait tout. Ça commence, notre chapitre 3, avec « si donc ». Ça commence quand même. Toute personne qui enseigne la parole de Dieu, quand un passage commence avec « si donc » ou avec « mais », il faut aller voir avant, c'est quoi le sujet, sinon on pourrait partir sur une méchante dérape. Alors, le passage juste avant, dans le chapitre 2, bien, on voit que Paul est en train de leur dire « hey gang, là vous êtes en train de respecter des lois humaines, mais vous êtes supposé être ressuscité avec Christ. » Puis, on a un passage juste avant, les versets, chapitre 2, verset 20. « Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » C'était le problème des Colossiens. Ils obéissaient à des règles, pensant que c'était mieux pour leur spiritualité, alors qu'ils étaient à côté de la traque. Et Paul le dit dans une autre lettre qu'il écrit à une autre église. Il dit « Tout est possible, mais tout n'est pas utile. » Eux autres, là, les Colossiens, ils vivaient avec peut-être le problème, exemple, de la viande sacrifiée aux idoles. Tu n'as pas le droit de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Peut-être qu'ils vivaient avec la circoncision. Si tu veux être un enfant de Dieu, il faut que tu fasses circoncire les enfants. Ça, c'est bizarre de parler de ça en 2021, ici, à l'église de Victo. Mais c'était la réalité du temps. Et ils combattaient avec ça. Et Paul est en train de leur dire, arrêtez. C'est des lois qui existaient avant Jésus, ou c'est peut-être des règlements que vous vous êtes faits pour une meilleure spiritualité. C'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sois repentant, détourne-toi de tes péchés et crois au Seigneur Jésus. Va pas plus loin. Le Seigneur va faire son œuvre dans ton cœur si tu es un enfant de Dieu. Et voilà donc, Paul arrive avec le verset 1 du chapitre 3, il dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. » Et là, il n'est pas en train de dire « si vous êtes ressuscité avec Christ » parce qu'il parle à des frères et sœurs. Dès le début de la lettre, il dit à mes frères, à mes sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, « soyez bénis », il dit ça au début de la lettre. Donc, il n'est pas en train de dire « si vous êtes ressuscité », mais « puisque », la meilleure version aurait dû être écrite comme ça, « puisque vous êtes ressuscité avec Christ », rechercher les choses d'en haut. Et ça, c'est intéressant. Je me rappelle d'être venu ici puis d'avoir parlé de la différence entre les choses célestes et les choses terrestres. Puis je me rappelle même d'avoir fait une espèce de ligne, hein, comme chrétien, là, une espèce de ligne ici. Il y a les choses célestes, puis il y a les choses terrestres. Puis on est des enfants de Dieu. Donc on doit rechercher les choses célestes. Et Paul s'en vient avec des choses terrestres qu'on ne veut pas obéir ici présent. Mais il s'en vient également avec des valeurs célestes qu'on doit cultiver. On va voir ça plus loin. Paul, il n'est pas en train d'inventer quelque chose. Hein? Le Seigneur Jésus lui-même dit dans Matthieu 6, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6 fait référence à différentes inquiétudes que les gens ont. Donc, les gens ont peut-être peur de ne pas savoir quoi manger, pas savoir comment se vêtir. Si vous retournez dans Matthieu 6, hein, on voit ça. « Ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu est là, il va prendre soin de vous. Et cherchez premièrement le royaume et la justice. » Dans le psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si vous faites passer Dieu en premier, Dieu va vous donner ce que ton cœur désire. Mais ce que ton cœur désire n'est plus le plus beau char ou la meilleure carrière. Si tu fais passer Dieu en premier, ton cœur va désirer les choses de Dieu, les choses célestes, les fameuses valeurs à cultiver. Notre cœur change complètement lorsqu'on fait passer Dieu en premier. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux Colossiens. Aux Colossiens plutôt. On poursuit. Verset 2. « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Encore une fois, le Seigneur Jésus nous montre comment vivre à travers le monde présent sans obéir au monde présent. Okay? Il y a toute une différence en tant que croyant. Et c'est Jésus qui fait la prière à son Père dans Matthieu 17 et il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Et ça, c'est intéressant. Jésus lui-même nous dit que si nous sommes un enfant de Dieu ce matin, nous ne sommes pas du monde. On ne fait pas partie de ce monde-là. On est entouré du monde. On doit les aimer. On ne doit pas se montrer supérieur à eux. Ça serait une erreur de faire ça. Mais on ne fait pas partie du monde. Alors, quand il y a toutes sortes de règlements qui sortent, exemple avec la pandémie et les mesures sanitaires, c'est vrai que c'est plate, là. On ne se le cachera pas. C'est pas la fin du monde. Hein? Il y a quelque chose de mieux qui nous attend. On n'a pas à s'inquiéter pour ça. Regardez le verset 3. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez connu la mort. Paul parle aux Colossiens. Ça nous touche, nous aussi, ce matin. Si nous avons remis notre vie dans les mains du Seigneur Jésus, si le Saint-Esprit est venu nous toucher en même temps de tout ça, nous avons connu la mort. Et Paul dit dans la lettre aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cette semaine, c'est la première fois de ma vie que je comprends ce passage-là. « Ce n'est plus moi qui vis. Si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Je ne sais pas comment bien vous l'expliquer, là, mais tu es mort. Je suis mort. Puis savez-vous pourquoi qu'en 2021, il y a encore des chicanes dans les églises? Parce que des gens, des croyants, là, des chrétiens qui sont supposés être morts, veulent essayer de faire valoir leurs droits. Et c'est exactement ce que Paul parle dans cette lettre-là. Puis je me rappelle dans ma propre église, il y a à peine quelques années, on a vécu une situation terrible. Je pourrais vous en parler en long et en large à un moment donné, et Dieu a béni à travers ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On voulait tous faire valoir nos droits. On voulait tous aller dans une direction, puis d'autres ne voulaient pas aller dans cette direction-là. Ça a été vraiment pénible. Et là, je lis ce passage-là ce matin, puis je fais, « Hey, je suis mort. J'ai aucun droit. Quel mort dans sa tombe actuellement a un droit? » Il n'y en a pas. Moi, ça m'a touché cette semaine, ça, j'espère que ça vous touche, vous autres aussi. Mais on a un statut de mort, évidemment pas physique, on est tous là ici, mais nous nous identifions à Christ dans sa mort sur la croix. Au moment où Jésus est allé mourir sur la croix, il a pris nos péchés, mais il nous a pris nous avec. On est allé mourir avec lui. Puis lorsqu'il est ressuscité, on est ressuscité avec lui. Donc aujourd'hui, si je vis, c'est parce que j'ai l'Esprit du Seigneur en dedans de moi. C'est supposé changer toute notre pensée, toute notre vision du monde actuel, notre vision de l'Église. On est supposé être à des années-lumière de ce qu'on a vécu avant. On n'est pas supposé vouloir faire valoir nos droits. On est supposé adorer Dieu puis lui faire confiance. Ça me touche profondément ce matin, ça. Regardez le verset. On va lire les versets 5 à 9, OK? Retenez qu'on est mort. Et il part au verset 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. » Je suis mort, c'est ce que Paul m'apprend ici. Il arrive au verset 5, et il dit « Faites donc mourir ». Je suis mort. Donc c'est normal que je fasse mourir ce qui est terrestre. Et là, il dit ce qui est terrestre, et il arrive avec un paquet de comportements ou d'actions, on va se le dire, néfastes. OK? Et ce que j'aime beaucoup dans le verset 5, c'est qu'il dit « Faites donc mourir ». Et le verset, le mot grec pour « mourir », c'est « nécro », hein, « nécrologie ». Et ça veut dire « tuer ». Faites donc tuer en vous ce qui est terrestre. Tuez le péché. C'est impressionnant, ça aussi. C'est la première fois de ma vie que je vois que dans la Bible, on me demande de tuer quelque chose, évidemment pas quelqu'un, mais je dois tuer le péché en moi. Ça veut dire que je dois lui faire la guerre puis faire rendre victorieux le Seigneur Jésus à travers moi. Et encore une fois, dans Galates, j'ai remarqué beaucoup de similitudes entre la lettre que Paul a écrite aux Galates et celle qu'il écrit aux Colossiens. Regardez ici, Galates 5, les versets 15 à 17. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, » il écrit à des frères et des sœurs, hein? Il n'écrit pas à des gens du monde, là. Il écrit vraiment à des chrétiens. « Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Puis tantôt, je vous parlais de zone grise. C'est l'erreur que j'ai faite pendant trop d'années et que je fais encore parfois, puis je dois vraiment confesser ça. Marcher dans la zone grise en tant que chrétien, ça fait ça. C'est de vouloir prendre les désirs de la chair et les faire passer à peu près au même niveau que les désirs de l'esprit. Je donne un exemple. Bien, on va le voir plus tard. Dans la vie, des fois, je veux impressionner mes collègues de travail. J'ai-tu vraiment besoin de faire ça? Mais je veux me sentir aimé, je veux me sentir apprécié de mon groupe. Je suis un chef d'équipe à mon travail, donc je veux que mon équipe voit que je suis là pour eux autres. Fait que des fois, je veux les impressionner. Et quand on impressionne, bien, on exagère un peu la vérité. Et quand on exagère la vérité, bien, on est en train de mentir. Ben oui, je fais ça. J'espère que vous ne pensiez pas que le gars qui venait vous prêcher en avant ce matin, il était parfait. Ce n'est vraiment pas le cas. Okay? C'est la raison pour laquelle j'aime ça être en avant de vous autres, parce que je me rappelle que je suis à des années-lumière d'être parfait si je n'ai pas le Seigneur Jésus. Heureusement que le Seigneur m'a déjà pardonné ces faux pas. Regardons ensemble différentes actions ou comportements qu'on voit dans la lettre aux Colossiens ce matin, qu'on doit tuer. OK? Et avant d'aller trop en détail, avez-vous remarqué, des fois, là, il y a des chrétiens qu'on dirait « qui ont comme un secret, ils ont comme élucidé le mystère de vivre une vie chrétienne épanouie. Avez-vous remarqué qu'il y a des chrétiens, des fois, qui ont l'air donc bien à pardonner facilement? Ils ont l'air donc bien à passer par-dessus le péché facilement. Ils ont donc bien l'air à aimer, hein, d'une manière créative. Avez-vous remarqué, des fois, on est entouré de ces gens-là, puis on fait, comment il fait, lui? Bien, j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'ils sont plus connaissants. On le sait que ce n'est pas la connaissance qui change le cœur de l'homme, mais c'est la soumission au Saint-Esprit. Et ce qu'on a vu dans Galates tantôt, c'est exactement ça. Lorsque vous voyez des frères et des sœurs, ça a donc bien l'air facile, leur vie chrétienne. Ce n'est pas nécessairement plus facile dans tous les domaines de leur vie, mais ils ont cette facilité de se soumettre au Saint-Esprit. Ils ont fait tuer le péché en eux, ils ne veulent pas tomber là-dedans, ils s'en détournent et ils font confiance au Saint-Esprit dans leur vie. Quel exemple! C'est en méditant la parole, en restant près de la parole, en louant le Seigneur, en s'entourant de frères et sœurs, il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui va faire en sorte que le fruit de l'Esprit va grandir en nous. Mais là, regardez des actions, des comportements qu'on doit vraiment mettre de côté. Et c'est une liste, ni plus ni moins, que Paul écrit. Et si je vous posais la question, laquelle avez-vous chuté cette semaine? Je ne vous poserai pas la question, je me l'ai posée. Il y en a beaucoup. Malheureusement, il y en a beaucoup. Malheureusement puis heureusement, à chaque fois que je tombe, je me rappelle que le Seigneur Jésus m'a déjà pardonné. Je n'ai pas à m'inquiéter pour la suite. Il est mort à la croix pour ça. Mais quand même, c'est important de le savoir. Des choses qu'on doit mettre de côté, l'immoralité sexuelle, l'impureté dans nos actions, nos pensées, nos gestes, nos paroles, les passions. Peut-être dans votre version de Bible, il n'y a pas écrit les passions actuellement, mais les passions, c'est des désirs forts et non réfrénés. Par exemple, des dépendances. Dépendance à l'alcool, à la drogue, à la pornographie. Ce sont des désirs forts et non réfrénés. On doit mettre ça de côté. On doit tuer le péché. Les mauvais désirs, vouloir du mal à quelqu'un, en tant que chrétien, c'est un mauvais désir. La soif de posséder. Vous vous rappelez sûrement d'une histoire, il y a un gars qui va voir Jésus et qui lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce que je peux faire pour aller au paradis? » Puis Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Qu'est-ce que le gars a fait? Il est parti tout triste. Parce qu'il avait de grands biens. Il était riche, mais il n'était pas prêt de se départir de ça. Et il faut faire attention ici. Dieu a béni des gens riches. J'en connais des chrétiens riches et qui sont généreux d'une manière que je ne serais jamais capable d'atteindre. Dieu bénit les gens riches. Le problème ici, c'est la soif de posséder. C'est de désirer à tout prix être riche. Ça, on doit mettre ça de côté. Jésus dit encore dans Luc 12, 15 que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, de ses richesses. La Bible entière nous apprend que ça dépend de son cœur. Et pour tuer le péché, je reviens souvent avec ce mot-là, mais c'est quand même le plus fort qui existe. Il faut se repentir de nos péchés. Au Québec, on n'utilise tellement pas ça, ce mot-là, mais il y a une force qui veut dire « je dois faire demi-tour, je m'enligne pour pécher, non, je m'en vais pas là, je m'en vais l'autre bord, vers la grâce de Dieu. » C'est carrément ça. Là. On ne fait pas juste « je vais passer à côté, puis je vais toucher à mon péché, puis je vais continuer. » Non, non, non, je m'en vais, j'ai peur. C'est carrément comme ça qu'on doit agir comme chrétien. On voit la colère, la fureur. La colère, c'est intéressant parce que lorsqu'on fait une petite étude de la Bible, on voit que Dieu a déjà été en colère, mais contre le péché. Moi, quand je suis en colère, c'est souvent contre quelqu'un ou contre une situation. Oui, des fois, c'est contre le péché, mais quand je me mets en colère, c'est jamais dans la manière que Dieu se met en colère. Habituellement, je pêche quand je suis en colère. La méchanceté, donc la méchanceté, c'est d'avoir une attitude hostile, de manifester de l'agressivité, se conduire en ennemi, vouloir faire la guerre. Toutes des comportements à mettre de côté, à tuer. La calomnie, des accusations fausses, des mensonges qui attaquent la réputation, l'honneur de quelqu'un. Et, tout c'est bien de vous le dire, hein, hier, j'ai chuté là-dedans. Je me suis dit, je leur dis-tu ou je leur dis pas? Ouais, je leur dis. La calomnie, c'est facile de tomber là-dedans. Regardez bien l'histoire qui m'est arrivée. Ma femme me montre quelqu'un sur Facebook qui a un nouveau... Bien, qu'on pense qu'il y a un nouveau chum, je ne le sais même pas. Puis le chum, il est posé en chess. Puis évidemment, quand tu te poses en chess, tu n'as pas juste un abdominaux. Tu sais, d'habitude, tu as les six là, qui sortent ici. Là. Tu sais, c'est beau. Là. Puis des fois, moi, je me pose en chess, mais j'ai trois abdominaux. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Mais où est-ce que qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Je suis vraiment pas fier de moi, là. J'ai dit à ma femme, « Moi, des couples qui sont basés sur le corps, ça dure jamais bien longtemps. » Sérieux, là. En disant ça, là, ça m'a pris une couple de minutes pour réfléchir. Puis là, je fais, « Je suis bien imbécile. » C'est comme si tous ceux qui ont six abdominaux, ils n'ont pas le droit d'avoir un couple heureux, là. Fait qu'en ayant fait de la calomnie ici, hein, qu'est-ce que vous pensez qui a ressurgi dans tout ça? J'ai pas juste péché avec la calomnie. J'ai péché parce que je l'enviais, j'étais jaloux, j'avais de l'orgueil. Vous voyez là toute la tornade qui a embarqué avec juste de la calomnie. Je vous le confesse ce matin. Je l'ai confessé à Dieu aussi. On passe à autre chose. Mais quand même, je veux vous dire que moi, j'ai lu ça, puis j'ai fait, aïe, aïe, aïe, je suis tellement à des années-lumière de respecter tout ça. Heureusement que le Seigneur Jésus m'a déjà pardonné. On continue. Les grossièretés qui sortent de votre bouche ou de votre Facebook. Puis ça m'a fait penser à ça. Vous savez, quand la Bible a été écrite, Facebook n'existait pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais la Bible nous enseigne que ce qui sort de notre bouche est le prolongement du cœur. Jacques, dans sa lettre qu'il a écrite, mentionne, hein, au chapitre 3, il compare la langue à un petit feu qui embrase une grande forêt. Un si petit membre dans la bouche peut autant bénir que maudire. C'est fou ça, hein? C'est tout petit, tout petit, tout petit. Puis on peut faire des ravages incroyables comme on peut bénir vraiment de manière miraculeuse. Mais notre Facebook, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est peut-être quelque chose qu'on doit faire attention. C'est tentant des fois de rajouter un commentaire sur quelqu'un qui a dit quelque chose, mais n'oubliez pas que avec, là je prends Facebook parce que c'est facile, mais n'importe quel réseau social ou sociaux, on a à faire très attention parce qu'on peut rejoindre énormément de gens, beaucoup plus que si on parlait au téléphone ou que si on écrivait dans le journal ou que si on parlait juste dans la rue ici. Facebook, ça l'a un pouvoir incroyable. Où est-ce qu'on pourrait bénir les gens et où est-ce qu'on pourrait dire des atrocités également. Donc, faisons attention à ça. Et finalement, bien, le mensonge, hein, ne vous mentez pas les uns les autres. Et souvent, mentir, on pense que c'est franc. Là, hey, tu m'as menti, toi? T'sais, quand c'est franc, on est capable de s'en rendre compte. Mais des fois, c'est subtil. Par exemple, déformer la vérité, omettre un petit revenu dans notre déclaration d'impôt qui s'en vient, tricher à un examen. Hein, je me rappelle d'un gars à l'école, c'était au cégep, on avait le droit à nos casquettes, puis quand ça allait pas bien une question, il se mettait de même, puis là, il faisait aïe, aïe, aïe, puis là, il descendait sa casquette, puis il avait mis ses réponses dans la casquette de même. Mais c'est ça, c'est tricher. Peut-être également exagéré dans une discussion, dans le but de se montrer intéressant. Je vous l'ai dit tantôt, je l'ai déjà fait, ça. Versets 6 et 7. « C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » La colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et verset 7. « Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. » Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on marchait dans ces péchés-là. Mais gloire à Dieu, au moment où vous avez pris la décision de suivre le Seigneur Jésus, que vous avez remis tout pouvoir sur votre vie à Jésus-Christ, que que vous croyez qu'il est allé mourir à la croix avec toutes vous, puis que maintenant c'est lui qui vit en vous. Puis qu'à chaque jour, vous vous efforcez de vouloir l'imiter, même si ce n'est pas toujours facile. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors ici présent, je ne vous connais pas tous, mais je suis capable, je ne suis pas en train de vous juger, je pense plus que c'est un fait, je suis capable de dire que tout le monde dans la prochaine année va pécher. J'ai pris la prochaine année d'un coup, qu'aujourd'hui, vous ne le faites pas, là. Mais dans la prochaine année, je suis pas mal sûr que je ne me tromperai pas. Mais savez-vous quoi? Si vous êtes un enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour vous. Vous êtes déjà pardonné. Le ciel vous attend. Ça ne veut pas dire qu'on doit pratiquer le péché. On ne peut pas faire ça. Mais est-ce qu'on va encore pécher? Oui. Ce n'est pas d'être pessimiste, c'est la réalité. On confesse, on remet ça au Seigneur Jésus, puis on repart. On ne reste pas dans la culpabilité. Il nous a déjà pardonné. On demande pardon à ceux qu'on a fait du mal, puis on fonce. Versets 10 à 14. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est intéressant ici, on voit dès le verset 10 que nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Donc, je ne suis plus le Patrick Auger d'avant ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Et Paul le dit dans une autre lettre, hein? 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Changement de vie total. Ça paraît peut-être pas toujours à tous les jours, mais on doit viser ça à tous les jours. Et c'est ce qu'on appelle la persévérance dans la sanctification. À tous les jours, je vise d'être plus blanc que la neige. Puis quand j'ai commencé ma vie, j'étais brun sale comme sur le bord d'une route qui a reçu pas mal de calcium, mais je vise de plus en plus à ressembler à la neige fraîche qui tombe pour être plus blanc, purifié, comme le Seigneur Jésus. Au verset 11, lorsque Paul dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni étranger, ni riche, ni pauvre, ni blanc, ni noir, ni jaune. On est tous sur le même pied d'égalité en tant que croyants devant notre Père éternel. Puis ça, c'est ce qui est beau. Et c'est ce qu'on oublie parfois. Certainement qu'il y a des différences dans les dons. On est capable de le voir. Dieu nous enseigne qu'il va donner des dons différents à chacun de nous. Certainement qu'il va y avoir des différences dans les récompenses célestes. On le voit dans le livre de l'Apocalypse. Certainement que les récompenses vont être différentes à chacun. Mais présentement, sur Terre, il n'y a aucune différence basée sur le statut social, le type de carrière, le pays d'où tu es né, la famille dans laquelle tu as été élevé. Bien qu'on a tous des outils différents, devant Dieu, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et les Colossiens avaient besoin de comprendre ça parce que, ben, veux pas, les Juifs qui sont rentrés dans l'Église pensaient qu'ils étaient un peu meilleurs parce qu'ils connaissaient la loi, sans dire par cœur, ils la connaissaient beaucoup. Et les païens, c'était ceux qui croyaient en plein d'autres affaires, eux aussi sont rentrés dans l'Église. Et là, ça créait des frictions dans cette Église-là. Est-ce que dans l'Église de Victoriaville, il y a des frictions entre les gens qui sont nés dans une famille chrétienne et ceux qui arrivent d'un endroit plus difficile? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça se pourrait. Mais devant Dieu, On est tous sur le même pied d'égalité. Regardons huit actions ou comportements que nous devons cultiver. Et c'est ce qu'on appelle les choses célestes. Et là, c'est intéressant. Encore une fois, hier, j'ai allumé. Je suis content d'avoir une femme pour ça. Là. Quand j'allume là, dans mon cerveau, là, quand le Seigneur me montre quelque chose, je fais « Chérie, je viens d'apprendre quelque chose. » Ça me fait ça chez nous, là, des fois. Puis là, je veux vous montrer de quoi que j'ai appris en lisant ça. Regardons tout d'abord des comportements, des actions comme la compassion. Et là, je pense tout de suite au Seigneur Jésus qui a été ému de compassion devant une foule qui le suivait. Cette foule-là était affamée. Et au lieu de leur dire « Retournez tout chez vous, vous me gossez, là, tu sais. » Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il était ému de compassion. Être ému de compassion, c'est voir la souffrance des gens et vouloir y remédier. Il en a profité pour faire un miracle puis leur donner de la nourriture sans bon sens. La bonté, l'humilité, qui est le contraire de l'orgueil, hein? L'absence d'orgueil, la douceur, la patience. La patience, c'est probablement, si je parle pour moi, un des éléments qui est le plus dur dans ma vie. Patrick, et être patient, mettons, je vous ai déjà parlé de l'orgueil, là, je suis en train de travailler là-dessus, là, le prochain que j'ai à travailler, c'est la patience. Ça, c'est vraiment dur. La patience, c'est l'attitude à avoir face à la provocation. La patience nous aide à développer notre endurance dans la souffrance. Et la patience nous aide à endurer les offenses. Hein, souvent, on veut tout régler tout de suite quand on a des problèmes avec les gens. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Développons notre patience. Le support aux autres frères et sœurs. Hein, Paul dit « Supportez-vous les uns les autres ». Et c'est très facile de supporter. Qu'est-ce qui arrive quand on croise quelqu'un pour la première fois ou presque, là, comparativement à quelqu'un que ça fait 25 ans qui est dans notre vie? Très souvent, on fait « Ah, donc ben gentil, lui. Hey, je pense que je vais l'inviter à dîner, il est ben trop gentil. Enfin, quelqu'un qui va me comprendre. » Puis, ça fait une fois que vous l'avez vu. Puis là, vous commencez à développer une relation avec hey, « ça va bien, ça dure une journée, deux journées, une semaine, deux semaines, une couple de mois. » Qu'est-ce qui arrive? Il y a une bébite qui sort. Puis on fait, oh, quand il est arrivé, lui, la première fois, il me semble que ce n'était pas comme ça. Et là, tranquillement, vous dites, oh, ça doit être juste juste une erreur. On continue à développer la relation. Puis il y a une autre bébite. Puis là, on commence à être déçu. Et c'est dans ces moments-là, n'oubliez pas que si vous êtes déçu, l'autre personne est sûrement déçue aussi, OK? Mais c'est dans ces moments-là qu'on doit se supporter les uns les autres. Et dans une église, c'est l'exemple le plus concret. On est une famille. On est des frères et des sœurs. Ben, moi, mon frère et ma sœur, dans ma petite famille des Augers, là, ben, c'est arrivé une couple de fois dans ma vie que j'ai trouvé ça dur d'être avec eux autres. Sauf que c'est mon frère et ma sœur. Je ne les ai pas choisis. Puis je dois les aimer. Pis c'est la même chose dans l'Église où Jésus est la tête. Hein, on le voit dans une des lettres. Jésus est la tête, nous sommes le corps et un est peut-être un bras, l'autre est peut-être une jambe, mais je ne peux pas dire, si je suis le bras, je ne peux pas dire à la jambe, « Sac ton camp, je ne veux plus te voir. » L'Église va boiter. Il faut être ensemble et se supporter les uns les autres. Très difficile à faire, mais Paul nous demande de le faire et très clairement que ça vient de l'Esprit. Il dit même, « Et si quelqu'un a raison de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. » Et ça aussi, c'est probablement, en tout cas, je parle pour moi, là, c'est extrêmement difficile d'aller pardonner quelqu'un qui n'est pas venu me voir pour me demander pardon. Ça vous arrive-tu? On me demande de pardonner réciproquement. Ça veut dire que ça se peut très bien que la personne ne vienne pas me voir et « Hey Pat, je voulais vraiment te demander pardon, j'ai mal agi. » Ça se peut qu'il ne vienne jamais me voir pour ça. Mais je dois lui pardonner quand même. C'est ce qu'on appelle le pardon réciproque. Puis on a tendance à faire « Ah, mais c'est lui qui m'a offensé. » C'est lui qui m'a dérangé, fait que c'est lui qu'il faut qu'il vienne me dire pardon, me demander pardon. Ouais, mais si ça avait marché de même avec Dieu, je ne sais pas, il y a quelque chose que j'ai plus de misère. Puis regardez une phrase que C.S. Lewis a déjà dit. Donc C.S. Lewis, un écrivain chrétien dans le coin de la Deuxième Guerre mondiale. Être chrétien signifie pardonner l'inexcusable parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en toi. Avant même de dire pardon à Dieu, il nous avait pardonné parce qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Avant même qu'on fasse notre premier péché, Dieu nous avait choisis. C'est ce que la Bible nous enseigne. Évidemment, on a eu à demander pardon des centaines de fois peut-être. Mais c'est ce qu'on doit faire. Demander pardon réciproquement, se pardonner réciproquement, c'est pas juste attendre qu'il vienne me voir. Quand on attend que la personne vienne nous voir, souvent ce qu'on va faire, c'est « Il va-tu venir un matin? » Ah, pas venu, pas de pardon. On n'est pas en train de développer la relation en faisant ça, vous savez. Et regardez, ça c'est ce qui m'a touché le plus, je m'en suis rendu compte hier. Donc, on a un paquet de choses hein, qu'on considère comme étant des valeurs célestes. La compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, se supporter les uns les autres, se pardonner réciproquement. Verset 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et l'amour, c'est comme une ceinture qui englobe toutes les fameuses valeurs qu'on vient de voir, comme l'humilité, la bonté, la douceur. L'amour encercle tout ça. Et évidemment, le Seigneur Jésus nous le rappelle hein, dans Matthieu 22, des commandements comme croyants. Tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et hier, j'ai allumé que les belles valeurs célestes, s'il n'y avait pas l'amour par-dessus ça, c'était de l'hypocrisie. Si tu es patient avec quelqu'un, que tu lui haïs la face, tu es juste un hypocrite. Je suis un hypocrite. L'amour doit revêtir tout ça. Au moment où on aime la personne en face de soi, ça va être facile de développer tout ce qu'on appelle des valeurs célestes. On va être capable de les cultiver. Donc, l'amour doit transcender tout ça. Et là, je pensais à 1 Corinthiens 13, je pensais à un paquet d'endroits où Jésus a démontré de l'amour pour des gens qui n'étaient pas aimables. Puis là, je faisais, aïe, aïe, c'est vrai pareil. Si je suis patient avec quelqu'un que je n'aime pas, ça ne donne rien. Si je suis doux, je veux juste y montrer que je suis bon, mais si je l'aime, ça fait toute la différence. C'est là qu'il va y avoir des changements de cœur. En conclusion, bien, premièrement, reconnais que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Peut-être ce matin, tu m'écoutes peut-être à la TV ou tu es ici présent, peut-être tu te dis, je suis prêt. Je veux remettre ma vie dans les mains du Seigneur. Bien, je vous encourage à faire le pas maintenant. Il n'y a rien de compliqué à la base. Hein? À la base, c'est de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. Reconnaître que les valeurs terrestres, les choses terrestres, tu en as fait au moins un là-dedans. Okay? La colère, l'amertume, l'orgueil, n'importe quoi là. Reconnaître que sans Jésus-Christ, t'es rien. Jésus est le sauveur envoyé par Dieu. C'est lui qui nous libère de nos péchés. Crois-le. Crois qu'il est allé mourir à la croix pour tes péchés. Il t'a même amené avec lui pour te libérer totalement. 3 jours après, il est ressuscité et c'est le Saint-Esprit qui vit en dedans de toi. Hein, je dis que c'est simple, mais en même temps, je suis sûr que tu te dis en ce moment, « Ouais, ça va être simple demain, là, mais je fais comment? » Ça, je l'ai vécu moi aussi, il y a 20 ans à peu près. Comment je fais? Gênez-vous pas à aller voir un pasteur de l'Église. Peut-être la personne qui vous a donné le lien Internet. Allez la voir. Comment je fais? Allez voir votre ami que vous connaissez qui est chrétien. On va vous aider. On va vous aider à marcher dans les voies du Seigneur. Je comprends qu'au début, si on est laissé à nous-mêmes, ça peut être pas évident. Mais allez voir quelqu'un qui peut vous aider là-dedans. Si ce matin, ça fait plusieurs années que tu es chrétien, bien, reconnais quand même que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Écoutez, j'ai sorti toute la liste des choses à ne pas faire, là, on va le dire comme ça. Je dois en avoir fait la moitié dans les 6 derniers mois, là, peut-être plus. et plusieurs fois, j'ai besoin de Jésus. Je suis constamment en train de déraper, mais heureusement, Jésus m'a déjà pardonné. Et c'est comme ça que je ne tombe pas dans la culpabilité, dans la honte. Je pourrais être en petite boule d'un coin, je pourrais dire, je ne suis pas digne de prêcher ce message-là ce matin. Non, je ne veux pas tomber là-dedans. Le Seigneur m'a pardonné. Et en plus, je garde les yeux sur les choses célestes, sachant que j'ai une meilleure vie qui m'attend bientôt, au paradis. Là où il n'y aura plus de grincement dedans, il n'y aura plus de stress, il n'y aura plus ces fameuses choses terrestres-là où est-ce qu'on tombe à l'occasion. Deuxièmement, prends la ferme intention de mettre fin au péché dans ta vie. Je pense que l'expression ici, tuer le péché, c'est ce qu'on doit se rappeler. Faites la guerre au péché. Pas la guerre aux pécheurs à côté de vous, la guerre au péché. On s'éloigne du péché, on met ça de côté. Je ne sais pas combien de fois aujourd'hui j'ai dit le mot péché, j'espère que vous avez compris. Des fois, on dit des mots en avant ici que si je vais dans la société, ils vont me trouver un peu spécial. Mais la Bible en parle des centaines et des centaines de fois. Je prêche la Bible. Donc, c'est vraiment, mettez ça de côté, ce fameux péché-là. Et troisièmement, je me trouvais bien drôle en l'écrivant, puis là, je regarde, puis c'est même plus drôle. Garde le gris pour ta décoration, hein? Pas pour la vie chrétienne. Mais c'est encore vrai. Reste pas dans la zone grise. Tu sais, l'endroit qu'on considère confortable, qu'on peut faire autant plaisir aux gens qui nous entourent, aux gens à l'Église, qu'à Dieu. Non, on doit prendre position. Et lorsqu'on prend position pour Christ, on n'est pas dans le gris. On vise d'être plus blanc que blanc. Amen. On va prier pour terminer ça. Seigneur, j'ai tellement eu du bon temps dans ta parole cette semaine. Merci de m'offrir ces occasions-là, de pouvoir te servir de cette façon. Je te prie, Seigneur, pour les gens qui ont pu entendre. Je t'en supplie, Seigneur, que personne ici soit venu pour écouter Patrick, mais que tout le monde soit ici pour entendre ta parole. Que tout le monde désire te suivre, désire te chérir, désire t'adorer. Et on a vu ce matin un passage, sérieusement, c'était troublant pour ma propre vie, donc j'imagine qu'il y a des gens ici qui sont peut-être troublés. Mais c'est ta parole, elle est puissante et fait le changement dans nos cœurs, Seigneur. On te demande de nous montrer ta grâce, on te remercie de nous avoir pardonné et on te demande de sauver encore en 2021 les gens qui ont besoin de ton aide, les gens qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et que sans toi, ils sont rien. Seigneur Dieu, merci pour Jésus qui est le chemin à suivre pour aller à toi dans un monde meilleur qu'on appelle le paradis. On a hâte d'être là, Seigneur, à tes côtés pour toujours, dans un endroit merveilleux. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies d'ici là, Seigneur. Merci de te servir de nous, à Victoriaville et jusqu'aux extrémités de la terre, pour présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens. Amen.